إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on va, alhamdulillah, on va commencer aujourd'hui le cours 33. Hein, c'est l'avant-dernier cours, Inch'Allah, dans notre livre. Et le cheikh, il est rendu à le point numéro 9, dans la critique de la cassette d'Abdul Majid al-Zindani, Al-Intikhabat wa Iradat al-Umma, les élections et la volonté du peuple, ou la volonté de la nation. Donc, là, le cheikh, il le critique sur un point. Il dit, الملاحظة التاسعة قال يا أبناء اليمن احمدوا الله أن دستوركم يضمن لكم كل هذا حق اختيار الحاكم حق المشاورة حق المراقبة حق التحاكم إلى شرع الله وحق العزل هذا العزل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage-là? Il dit, « Ô les fils du Yémen, glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala que votre constitution vous donne tout ça, hein, vous donne tous ces droits-là. Le droit de choisir le dirigeant, le droit de consultation, le droit de surveillance, le droit de surveillance, c'est-à-dire de qu'est-ce que l'État fait, le droit de juger selon la charia d'Allah, le droit d'enlever le dirigeant, c'est-à-dire d'enlever de comment ils disent de destituer le dirigeant s'il faut, et il dit que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il répond maintenant le chef à ce point, à ce sujet-là en quatre points. قال لي مع كلامك هذا أربع وقفات. الوقفة الأولى قولك احمد الله أن دستوركم يضمن لكم هذا كل هذا هذا المدح للدستور جاء مثله في شريط أد الأمانة ولا تك سفرا ما نصه حمدا لله جل وعلا لقد تيسر لأبناء الشعب اليمني أن يضعوا دستورا هذا الدستور هو وثيقة بين الحاكم والمحكوم وعقد بين الحاكم والمحكوم بين حقوق الحاكم وواجباته وبين حقوق المحكومين وواجباتهم بفضل الله وصلنا إلى هذه النتيجة وتحقق لنا الشيء الكثير ولكن هذا الدستور يحتاج إلى أن يسهر عليه ويراقب تنفيذه وتطبيقه فإنه قد ضمن حقائق كثيرة وضمن حقوقا كثيرة لشعبنا. Donc le cheikh il commence à dire, il dit moi je dois critiquer certains points que tu as mentionnés et je vais critiquer les points en me concentrant sur quatre points ou quatre aspects. Disons que le premier point il dit c'est lorsque Abdul Majid al-Zindani il dit glorifie Allah que votre constitution vous donne tous ces droits là. Il dit cette glorification de la constitution elle a été mentionnée également dans l'autre cassette, Addil Amana wa la taku sifran, dont on a fait la critique auparavant. Et dans cette cassette-là, il avait dit la même chose à peu près. C'est-à-dire, glorifie Allah, hein, on glorifie Allah, que Allah nous a facilité pour les enfants du Yémen, de mettre une constitution Et cette constitution, c'est une entente, hein, c'est un pacte entre le dirigeant et les dirigés. Un pacte entre le dirigeant et ceux qui sont dirigés, entre c'est un contrat entre le dirigeant et le dirigé, et il y a donc dans ce contrat les droits du dirigeant et ses obligations, et les droits des dirigés ou du peuple, et leurs obligations et leurs responsabilités aussi. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on est arrivé à ce résultat, et on a réalisé beaucoup de choses. Mais cette constitution, elle a besoin de gens qui vont veiller sur elle et qui vont surveiller son application et son exécution, parce qu'elle a garanti au peuple beaucoup de droits, et elle a donné au peuple beaucoup de droits, à notre peuple beaucoup de droits. Cheikh, il continue à la critique. Et maintenant, il commence la critique. Il dit, قلت فلننظر بعضا مما احتواه هذا الدستور الذي تبنى مدحه يعني تتبنى مدحه حتى نرى مدى صحة هذا المدح. فمما جاء فيه المادة الرابعة الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة. قال شيخنا محمد أمان الجاني يرى النظام الديمقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطة كلها بهذه السلطة كلها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له ويملك التعديل والإلغاء في مواد القانون وإنشاء ذلك، ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة في ضوء التشريع، كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء، وهكذا يكون الشعب كل شيء في النظام الديمقراطي. الشعب كل شيء في النظام الديمقراطي. فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه وهو الذي يتولى سلطة القضاء، ثم هو الذي ينفذ ما قضى هذا القاضي الديمقراطي، فما الذي يبقى لرب العالمين الذي خلق العباد؟ إن التشريع لرب العالمين وحده وقد تم، أما القضاء وتنفيذ ذلك التشريع فهو الذي يتولاه ولاة أمور المسلمين من ولي الأمر رئيس الدولة ورجال حكومته ومن وزرائه وأمرائه ورجال الشورى والقضاء وجميع أعضاء الدولة، فهؤلاء جميعا يشغلون وظيفة واحدة ألا وهي تنفيذ أحكام الله بين عباد الله كما جاءت من عند الله. Donc on va commencer. Le chef il dit, maintenant on va voir qu'est-ce que contient cette constitution que tu as commencé à glorifier dans cette parole-là que tu as dit, et on va voir jusqu'à quel point elle est valable, cette glorification de la constitution que tu as fait. Parmi ce qui est mentionné dans la constitution, il y a l'article 4. Et dans l'article 4 de la constitution, ça dit que le peuple est celui qui détient la souveraineté et qui est la source de la souveraineté. C'est elle qui est à l'origine de la souveraineté. Et elle exprime sa souveraineté par le moyen direct, de façon directe, dans les référendums, dans les référendums et dans les élections générales. Okay? Donc ça c'est l'article 4. Le Cheikh, il mentionne ensuite les paroles de Muhammad Aman al-Jami, le Cheikh Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, qui critique cet article-là et ce point-là. Il dit, le Cheikh, le système démocratique considère que le peuple, c'est lui-même qui a le droit, qui a l'autorité et qui a la souveraineté. Toutes les formes de souveraineté appartiennent au peuple dans le système démocratique, que ce soit la souveraineté dans l'aspect législatif, dans l'aspect juridique et dans l'aspect exécutif, tout ça appartient au peuple selon le système démocratique. Et ça, ça veut dire que le peuple détient le droit de légiférer les lois. Et donc, ils ont le droit, le peuple a le droit de corriger ou de changer ou d'éliminer un article de la loi s'ils veulent. C'est le peuple qui se dirige lui-même en fait. كَمَا يَتَوَلَّ الشَّعْبُ نَفْسَهُ التَّنْفِيذُ بَعْدَ الْقَضَى. C'est-à-dire, après qu'il y a eu le jugement qui a été établi, eh bien, c'est le peuple également qui s'occupe d'appliquer et d'exécuter ce jugement-là. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça, donc, que dans le système démocratique, c'est le peuple qui s'occupe de tout. Hein. C'est le peuple qui est à l'origine de tous les droits et toute la souveraineté. Donc, si c'est le peuple qui détermine les lois et qui légifère, et si c'est le peuple qui détermine l'autorité et le droit et le jugement, puis si c'est lui également qui exécute le jugement dans le système démocratique, alors qu'est-ce qui reste au Seigneur de l'univers, hein, celui qui a créé les hommes? Donc le cheikh il dit, la législation du Seigneur de l'univers, la législation appartient uniquement, c'est un droit qui appartient uniquement au maître de l'univers, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul qui a le droit de légiférer. En ce qui concerne la question du jugement et de l'aspect juridique et des lois, et de l'exécution des lois, et bien ça c'est quelque chose qui appartient aux dirigeants des musulmans dans l'islam, et c'est-à-dire le chef de l'État, et les hommes du gouvernement qui s'occupent du gouvernement aussi, de même que les ministres et les maires et les gens qui sont responsables de la consultation, Ahl-Shura, Rijal-Shura, et également les juges, ainsi de suite. Donc, c'est ceux-là qui s'occupent de l'exécution de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tous les membres du gouvernement, ils ont un seul rôle, un seul travail, c'est d'exécuter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme elle est venue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme elle a été révélée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, il mentionne, il dit, Qultu, fahamdan lillahi ala hadha dustur. C'est comme si en voulant dire, le cheikh, il mentionne cette expression-là en disant, est-ce que donc tu vas continuer à glorifier Allah, à remercier Allah pour cette constitution, malgré tout ce qu'on vient d'expliquer là, maintenant? Ensuite, il explique encore, il dit, wa maddatul khami, al-maddatul khamisa, يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا. Le cheikh il dit, dans l'article 5 de la constitution yéménite, c'est écrit que le système politique de la république est établi sur le multipartisme. Le multipartisme et le pluralisme des partis politiques. Et ça, c'est dans le but de s'échanger le pouvoir de façon pacifique. Hein? Qu'il y ait une rotation ou un changement du pouvoir de façon pacifiste. Cheikh dit, Qultu, inna ta'adudiyya far'un 'ala ad-dimokratiyya wa hiya qismat. Ta'adudiyya siyasiyya wa ta'adudiyya fikriyya wa 'aqaidiyya. Il dit que le multipartisme ou le pluralisme politique, c'est une des branches de la démocratie et elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est le pluralisme politique et la deuxième partie, c'est le pluralisme des idées et des croyances. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs partis politiques et plusieurs idéologies et plusieurs croyances. Ok, multiplicité. Donc le cheikh critique ces deux aspects-là. Le premier aspect, أما التعددية العقائدية فمعناها أن الناس في ظل النظام الديمقراطي لهم الحرية بأن يعتقدوا ما يشاءون ويمكنهم الخروج من الإسلام إلى أي ملة ونشأة أخرى حتى ولو كانت يهودية أو نصرانية أو شيوعية أو اشتراكية أو علمانية وتلك هي الرد بعينها. وتلك هي الردة بعينها قال قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين له الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم وقال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne l'aspect qu'on a mentionné par exemple par rapport à la pluralité des croyances, ça signifie quoi? Ça signifie que dans le système démocratique, les gens ont la liberté de croire en ce qu'ils veulent et ils peuvent sortir de l'islam s'ils veulent vers n'importe quelle autre croyance ou religion, que ce soit même le judaïsme ou le christianisme ou le communisme ou le socialisme ou la laïcité, et ça c'est en soi, c'est une forme d'apostasie de l'islam. Comment ça se passe maintenant au Yémen? Ça se passe maintenant, mais ça se passe pas seulement au Yémen, c'est dans tous les pays qui se disent démocrates, il y a ces systèmes, ces idéologies là qui sont prônées parce que ça fait partie de l'idéologie de la laïcité puis de la démocratie, que tout le monde doit avoir la liberté de croire en ce qu'il veut, de penser comme ils veulent, puis ça veut dire qu'ils ont le droit d'apostasier l'islam, de changer de religion comme ils veulent, hein, comme si, comme on change de vêtements, on change de vêtements, on change de chemise comme on dit, et bien ils changent de religion comme ils changent de chemise. Oui, maintenant c'est comme ça, mais bon, c'est sûr qu'au Yémen, en fait non, c'est pas un royaume, c'est un pays, une république démocratique. Le problème c'est pas ça, c'est que ça a été imposé, hein, par les pays occidentaux sur les pays musulmans. Puis aussi, c'est que au Yémen, une des différences aussi, c'est qu'il y a encore un attachement très fort aux tribus. Donc c'est un pays quand même qui est attaché de façon très solide au tribalisme. Et donc, des fois, parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est que, bien entendu, étant donné qu'il y a les tribus, puis parfois certaines tribus sont très puissantes, sont très fortes, eh bien, le gouvernement ne peut pas imposer ses lois, son autorité sur tout le monde comme il voudrait. Il y a encore beaucoup de tribus qui sont, c'est-à-dire, ils sont obligés de faire des compromis avec les tribus aussi. Ben, pas complètement indépendantes, mais à une certaine limite, oui, parce qu'ils ont ils sont armés parfois, puis tout ça, donc, ouais. Donc, je connais pas plus que ça, parce que je suis pas tellement au courant de la réalité de la situation politique au Yémen, sauf que ces idées de démocratie-là, de liberté, puis de multipartisme, de pluralisme, ça c'est des valeurs démocratiques qui sont enseignées puis propagées, prônées par tous les systèmes démocratiques, et tous les pays occidentaux prônent ces idées-là, hein. Donc c'est bien entendu, ça divise les musulmans, ça divise la société, ça c'est certain, parce qu'au lieu de s'unir sur la vérité, ils vont prôner et appeler à la liberté de croyance et d'idées. Ça amène bien entendu une sorte de division dans la société encore plus, et surtout parmi les musulmans. Et le cheikh, il mentionne les versets 25 et 26 dans Surat Muhammad. On va lire ensemble. 25 et 26, Allah il dit à propos justement de ceux qui ont apostasié leur religion, qui sont revenus après avoir connu la vérité, sont revenus à la mécréance. Allah, il dit, ceux qui sont revenus sur leur pas après que le droit chemin leur a été clairement exposé, le diable les a séduits et trompés. C'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont de la répulsion pour la révélation d'Allah, nous allons vous obéir dans certaines choses. Allah cependant connaît ce qu'il fait, ce qu'il cache. Allah, il dit, c'est parce qu'ils ont dit, c'est-à-dire ces gens-là qui sont revenus sur leur religion, hein, qui ont quitté la vérité après avoir connu la vérité, avoir connu le droit chemin, ils ont dit à ceux qui détestent l'islam, ils ont dit à ceux qui détestent la révélation d'Allah, on va vous obéir dans certaines choses. dans certaines choses, on va vous obéir. Il y a des musulmans comme ça maintenant, ils disent aux koufars qui détestent l'islam, qui sont les ennemis d'Allah, on va vous obéir dans certaines choses. Et en faisant ça, ils retournent à la mécréance, hein, ils acceptent la mécréance. Et ils mentionnent le verset 217 dans Surat al-Baqarah. Hein, c'est comme ils disent par exemple aujourd'hui, ok, on va vous obéir dans la question de la démocratie, on va vous obéir dans la liberté de croyance, on va vous obéir dans la laïcité, ainsi de suite. Donc ça c'est des formes d'égarement, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Celui qui doute là-dessus, eh ben, déjà c'est un signe qu'il est soit ignorant ou soit égaré, du droit chemin. Et le cheikh il mentionne le verset 217 dans Surat al-Baqarah. Le cheikh il dit, et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront mécréants, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Hein? Et il mentionne le verset 85 dans Surat al-Imran qui dit, et celui qui cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera parmi les perdants dans l'au-delà. Donc ça c'est les versets que le cheikh a mentionnés. Ensuite il parle de l'autre aspect, c'est le pluralisme politique. Il dit, أما التعددية السياسية فهي فتح المجال لكافة الأحزاب بغض النظر عن أفكارها وعقائدها لتحكم المسلمين عن طريق الانتخابات وهذا فيه مساواة بين المسلم وغيره وهذا خلاف للأدلة القطعية التي تحرم أن يتولى المسلمين غيرهم. Le cheikh explique qu'il dit, en ce qui concerne le pluralisme politique, c'est d'ouvrir la porte en réalité à tous les partis, sans exception, c'est-à-dire sans regarder ou sans faire attention à leurs idées ou à leurs croyances. Pour qu'elle dirige les musulmans par la voie des élections. Donc ça veut dire le pluralisme politique, ça veut dire que tu acceptes que dans le pays il y ait des partis et des gens, des partis et des groupes qui invitent les gens à voter pour eux sans tenir compte de leurs croyances religieuses ou leurs croyances politiques ou leurs idéologies. Donc tout le monde a le droit de penser et d'appeler à n'importe quelle idée politique qu'ils veulent, ou même parfois il y a ces partis politiques-là qui sont clairement des partis politiques qui sont avec des idéologies et des croyances de kufr, et ils appellent les musulmans à ces idées-là, et donc c'est en fait d'appeler pour que les musulmans soient dirigés par ces partis-là à travers les élections. Et ça aussi, une autre chose, c'est que tu mets à égalité le musulman et le non-musulman. Et ça, bien entendu, c'est en opposition complète et totale avec les versets et les preuves qui sont déterminantes à ce sujet-là, qui interdisent aux musulmans de prendre pour alliés les non-musulmans. Donc ça, c'est très clair à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit ensuite, قلت فحمدا لله على هذا الدستور دي est-ce que tu vas encore dire que tu glorifies Allah pour cette constitution après qu'on a lu l'article 5 et 4 après il mentionne un autre article دي المادة السادسة تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية والقانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. قلت فهذا لا يحتاج إلى تعليق، ولا يسعني إلا أن أقول فعلى ما يحمد هذا الدستور. Il dit l'article 6, ça dit que l'État confirme qu'elle agit selon les pactes des Nations Unies, les ententes des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme et également le pacte des pays arabes, hein, et également les lois, les règles des lois internationales qui ont été reconnues de façon générale. Donc ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans cet article, l'article 6. Et tout le monde sait et tout le monde est au courant que dans ces choses-là, dans les pactes des Nations Unies et dans les déclarations des droits de l'homme et dans ces trucs des lois internationales et tout, il y a des règles, des lois et des ententes qui sont contraires à l'islam. Et donc de retourner à ça pour juger entre nous, c'est bien entendu certains d'entre ces articles ou ces lois-là sont contraires à l'islam. Et donc on ne peut pas glorifier la constitution par rapport à ces règles-là puisqu'elles sont contraires à l'islam. Et c'est pour ça que le cheikh dit, donc on n'a pas besoin de faire de commentaires à propos de ce point-là. Je peux seulement dire une chose, hein, cette chose, c'est pour quelle chose tu vas glorifier cette constitution, en te basant sur quoi? Est-ce que c'est pour ces choses-là que tu vas glorifier la constitution? Après, il mentionne l'article 41. Il dit المادة الواحدة وأربعون تكفل الدولة تكفل الدولة حرية الفكر والإعراض عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون. قال الشيخ ابن عثيمين إن الذي يجيز أن يكون الإنسان حرا للاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر لأن كل من اعتقد أن أحدا يصوه له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب فإن تاب وإلا وجب قتله. Ok, ici le cheikh il mentionne l'article 41 dans la constitution. Il dit l'État donne le droit donne la liberté de croyance. Hein. L'État donne la liberté de penser plutôt. La liberté de penser. Et la liberté d'exprimer toute opinion, soit par parole, soit par écrit, ou soit par image. Hein, dans les limites de la loi. Donc ça veut dire qu'ils prônent la liberté de penser et la liberté d'expression, comme dans les pays kuffari. Le cheikh Ibn Uthaymeen, il parle maintenant, il a mentionné dans une fatwa qu'il a fait à ce sujet-là, qui est mentionné dans son Majmu' al-Fatawa, à la page 99 et 100, il dit, celui qui permet à quelqu'un aux hommes d'être libres dans leurs croyances et de croire en ce qu'ils veulent comme religion, il est kafir. Celui-là, il est kafir, celui qui permet ça. Parce que toute personne qui pense ou qui croit que quelqu'un a le droit de prendre comme religion autre que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un kafir. Il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être demandé de se repentir. Hein, et s'il se repent, il est laissé libre, sinon il est obligatoire de l'exécuter par la loi islamique. Et ça, encore une fois, je vais juste clarifier le point ici, parce que vous allez voir ça souvent dans les livres de fiqh, et dans les livres de Aqida et d'autres. Quand les ulama, ils parlent d'un point, ils disent si quelqu'un ne croit pas en telle chose, ou si quelqu'un dit telle chose, il est kafir, et on doit lui demander de se repentir, et s'il ne se repent pas, il est obligatoire de l'exécuter. Ça, bien entendu, c'est dans les limites et dans les règles de la charia, dans le sens que c'est dans un pays musulman seulement que ça doit s'appliquer, par l'ordre du dirigeant officiel d'un pays. Hein, après que la personne ait été jugée devant un tribunal musulman selon les lois de la charia. Donc c'est pas quelqu'un comme ça qui décide, n'importe qui dans la rue, qui décide qui va être un apostat et qui va être exécuté ou non de façon un peu chaotique là, comme les takfirines et les djihadis essaient de le faire. Après le chef de Summa قال وهذه الكلمة عن كلمة كفر كلمة فكر التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد. Et le Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a mentionné un point de plus. Il a dit, la parole, cette parole, quand on utilise la parole de pensée, al-fikr, en arabe, la pensée, hein, quand on dit la liberté de penser, il dit, d'utiliser le mot pensée, et qu'on l'utilise dans le but de parler de la religion, comme si la religion c'était une pensée, ou une idée, eh ben, ça, il faut complètement l'éliminer des dictionnaires et des livres islamiques pour pas qu'on arrive à cette mauvaise conclusion et cette mauvaise signification que les gens ont adopté maintenant, de penser que la religion c'est comme une idée, comme une idéologie comme les autres, et que tu as le droit de penser cette idéologie là ou non. Et, exact. Et comme Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, la religion ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une idéologie. C'est la révélation d'Allah. C'est la révélation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne peut pas appeler ça des pensées ou des idées. Après, il mentionne les paroles de Cheikh Mohammed Aman al-Jami à ce sujet-là. Il dit, وَقَالَ شَيْخُنَا مُحَمَّدْ أَمَانَ الْجَامِي فِي النِظَامِ الْإِسْلَامِ حُرِيَةَ الْقَوْلِ وَحُرِيَةَ الرَّأِي وَحُرِيَةَ الْعِلْمِ وَالتَّعْلِيمِ وَحُرِيَةَ الْكَسْبِ وَالْإِنفَاقِ وَحُرِيَةَ السَّكَنِ وَالْإِنْتِقَالِ وَالسَّفَرِ والحرية الشخصية الفردية، فهذه الحريات يتمتع بها كل من يؤمن بالنظام الإسلامي، بيد أنه لا توجد في الإسلام الحرية المطلقة غير المقيدة في كل ما ذكر وفي غيرها، بل جميع الحريات مقيدة بقيود الشريعة الإسلامية التي نظمت للناس حياتهم حتى غايرت حياتهم حياة الحيوانات الأخرى. Le Cheikh dit que les paroles du Cheikh Mohammed Aman al-Jami ici, il dit le système démocratique islamique, dans le système démocratique, il y a la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté de connaissance et d'enseignement, la liberté de travailler, de gagner sa vie comme on veut, et de dépenser l'argent comme on veut, la liberté de logement, et la liberté de déplacement et de voyage, et la liberté individuelle. Et toutes ces libertés-là sont, sont offertes par le système démocratique. Ah non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, toutes ces libertés-là sont données. Ok. هذه الحريات يتمتع بها كل من يؤمن بالنظام الإسلامي. Ok. Il dit, toutes ces libertés-là sont offertes à toute personne qui croit en le système islamique. Alors que dans le système islamique, dans l'islam, il n'y a pas de liberté absolue, sans limite. Hein? Même dans toutes les libertés qu'on a mentionnées, parmi les libertés démocratiques, eh bien, il n'y en a pas dans l'islam de ces libertés-là qui sont absolues et sans limitation, sans règles. Hein? Toutes les libertés dans l'islam sont limitées par les limites de la charia et par les règles de la charia, qui est venue pour organiser la vie des gens, hein? Et qui est venue faire une distinction entre la vie des êtres humains et la vie des autres êtres vivants, des animaux. Donc, ça c'est un point à propos de la question des libertés et de la liberté de pensée et d'expression. Bien entendu, dans le livre du Cheikh Mohammed Aman, ça c'est tiré du livre L'Al Jazeera Al Arabiya Khususiya. Ok. وقلت هذا في النظام الإسلامي. أما في النظام الديمقراطي فالحرية فيه ليست مقيدة إلا بالقانون، ولفظة القانون لم تأتي مقيدة بأي قانون، أهو قانون الشريعة الإسلامية أم لا؟ فحمدا لله على هذا الدستور. الشيخ يقول بون maintenant on a vu que dans le système islamique on a vu que il y a des limites et il y a des règles à respecter comme le cheikh Mohamed Aman il l'a expliqué. Toutefois, dans le système démocratique, les libertés qui sont offertes ne sont limitées par autre chose que par la loi. Et dans le terme, quand on utilise en arabe le terme loi, et eux ils utilisent le terme qanoun. Hein, et ça, ça veut dire quoi? Quelle loi? Quel qanoun? Est-ce que c'est le qanoun de la charia islamique ou non? Donc il dit, est-ce que encore tu vas continuer à glorifier Allah pour cette constitution? C'est-à-dire ici que la liberté qui est offerte dans l'islam, parce qu'il y a souvent des islamistes qui veulent utiliser le discours des kuffars en parlant de la liberté, et ils se défendent de certaines choses en disant qu'ils ont la liberté de le dire ou de le faire par rapport à la liberté d'expression. Hein. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le système des kuffars, dans les droits de l'homme, ainsi de suite, ils donnent la liberté à tout le monde de faire ce qu'ils veulent. Et c'est pas juste la liberté de dire la vérité, d'enseigner le bien aux hommes, mais c'est également la liberté d'enseigner le mal et d'enseigner le mensonge et d'enseigner le faux et de faire la corruption sur la terre. Et même propager la corruption sur la terre. Donc, dans l'islam, il n'y a pas cette liberté-là de façon absolue. La liberté dans l'islam, elle est limitée par les règles de la charia. Toutefois, eux, ils limitent leur liberté par la loi canadienne, ou la loi faite par américaine, ou la loi européenne, la loi française, ou d'autres lois, parmi les lois qui sont inventées par les êtres humains. Et ces lois-là, bien entendu, elles ne sont pas comparables aux lois d'Allah, et elles permettent tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est corruption. Et donc, c'est ça qui est très, très grave dans ces constitutions-là qui offrent aux hommes ces libertés-là sans limite et sans clarifier que c'est par la charia qu'on doit juger. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre article de la Constitution. Il dit « Maddatu al-maddatu wahid wa sab'in »« Wahid wa sab'in » 71 « Wa tasdur al-qararat bil-aghlabiyya »« Tasdur al-qararat bil-aghlabiyya al-mutlaqa lil-a'da al-hadirin » قلت قد تقدم الكلام على ما يتعلق بالأغلبية المطلقة في مفاسد الانتخابات المفسدة الخامسة عشرة فحمدا لله على هذا الدستور. Il dit que dans l'article 71, c'est mentionné que les décisions sont établies par la majorité absolue. Donc, selon le nombre des membres présents. Donc ça veut dire que c'est la majorité qui détermine qu'est-ce qui est accepté comme décision et comme loi. Donc le cheikh il dit, on a déjà parlé de ça quand on a parlé du point numéro 15 dans les méfaits de la démocratie au début du livre. Donc on n'a pas besoin de rajouter plus que ça. Est-ce que tu continues encore à glorifier cette constitution? Hein? Après il mentionne un autre article. Il dit الارتيك 156 المادة 56 و100 لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مادة الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل مواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة الطلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق ثلث أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب في الاستفتاء العام، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد ممن أدلوا بصوت بأصواتهم في الاستفتاء العام يعتبر التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء. قلت قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. L'article 156 c'est incroyable, c'est grave. Ça dit quoi? Ça dit que le chef de l'État, de même que les membres de l'Assemblée, peuvent demander de changer un article de la Constitution. Et c'est obligatoire pour eux de mentionner, ils doivent absolument mentionner les raisons pourquoi ils veulent changer cet article dans la Constitution et les causes qui vont justifier cette demande de rectification de l'article. Si cette demande est venue de la part des membres du Parlement, alors c'est obligatoire qu'il y ait un tiers des membres du Parlement qui vont signer cette demande-là. Et à chaque fois, on doit débattre, l'Assemblée doit débattre le principe de cette demande de rectification-là. Et ils vont remettre leur décision au sujet de ce changement de la loi, de l'article, de la rectification de l'article, par voie de majorité des membres. Il dit, si la demande est refusée, il n'est pas permis de ramener la demande encore une fois, pour changer un article, pour changer cet article-là en particulier, excepté après un an du refus. C'est-à-dire, si de changer l'article, ça a été refusé, il faut attendre un an avant de redemander encore une fois pour faire changer cet article-là. Et ensuite, il dit, si le Parlement est en accord avec le changement de l'article, on doit débattre de ça pendant 2 mois, ou après 2 mois de la date de l'accord. Et il dit que si 3/4 de l'Assemblée est d'accord avec le changement de l'article, et bien là, qu'est-ce qu'ils vont faire par la suite? Ils vont faire un référendum pour demander à toute la population de voter s'ils sont d'accord. S'il y a la majorité absolue pour faire le changement de cet article-là de la part du peuple, par le référendum, alors là, on va changer l'article de la Constitution à partir de cette date, du moment où on a mentionné ou montré les résultats du référendum. C'est ça. Donc, le cheikh, il mentionne, il dit, par la suite, il dit, et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 59, dans Surat al-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et son messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc ça veut dire que, pourquoi faire tous ces trucs-là de vote, de majorité, de députés, de tout ça, les un tiers qui doit être d'accord, sinon après trois quarts, après ça, il faut faire un référendum, tout ça pour changer un article, alors que si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ramenez-le à Allah et à son messager. Pas ramenez-le aux députés, ramenez-le au Parlement, ramenez-le au peuple. Donc le cheikh dit, قُلِّي بِرَبِّكِ هَلَ الْوُجُوعُ بِنَصِّ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي تَعْدِيلِ مَوَادِ الدُّسْتُورِ أَمْ إِلَى الْإِسْتِفْتَاءِ الْعَامِ بِالْأَغْلَبِيَّةِ ثُمَّ كَيْفَ نُوَفِّقْ بَيْنَ هَذِهِ الْمَادَّةِ الَّتِي تُبَيِّنُ أَنَّ الْأَغْلَبِيَّةَ هِيَ الْمَرْجِعُ عِنْدَ الْإِخْتِلَافِ سواء وافق ذلك الشريعة أم لا، وبين قولك في نفس شريطك هذا عندما قلت اليوم الحكم ليس للأغلبية فيما فيه نص شرعي، فحمدا لله على هذا الدستور. هذا غير من فيض، وقد تركنا عرض مناقشة الكثير من مواد الدستور خشية الإطالة، فتبين من ذلك أن مادة واحدة من المواد التي تم التعرض لها بالمناقشة تبطل مدحك لهذا الدستور، ولكن ماذا يقال عن مدحك له؟ يعني أترك الإجابة للقارئ الكريم. الشيخ يقول: dis-moi par ton Seigneur, est-ce que quand il y a des divergences au sujet des articles de cette constitution, est-ce que, comme par exemple dans l'article 71, comme on a mentionné plus tôt, yani, par rapport au fait que ça doit être décidé par la majorité, est-ce que ça c'est basé sur le Coran et la Sunna que vous allez faire les corrections dans la Constitution, ou bien vous allez ramener ça au vote et au référendum et au vote de la majorité Il dit, comment tu peux mettre en accord ces choses-là, hein? L'article qui mentionne que tu dois faire un vote par la majorité pour avoir une décision lorsqu'il y a un désaccord, peu importe que ce soit en accord avec la charia ou non, et entre ce que tu dis, toi, dans ta cassette, lorsque tu dis aujourd'hui, le jugement n'est pas pour la majorité, mais il est, il dit aujourd'hui, le jugement n'appartient pas à la majorité dans les choses sur lesquelles il y a un texte de la charia. Donc, comment on peut rassembler ou réunir entre ces deux paroles qui sont contradictoires? C'est-à-dire, toi tu dis, Abdelmajid Al-Zintani, il dit, s'il y a un texte clair de la charia, on ne doit pas faire de vote, et ce n'est pas la majorité qui décide. Puis, dans la Constitution, on voit que c'est écrit que c'est la majorité qui prend les décisions, et que c'est par la majorité qu'on prend les décisions. Ça, c'est une contradiction. Et le cheikh dit, ça c'est juste un exemple de ce qu'on a mentionné dans cette Constitution-là. Il y en a beaucoup d'autres points à critiquer, mais il dit, je ne veux pas prendre trop de temps et prolonger trop les choses, donc je vais m'arrêter là pour ne pas trop prolonger les choses. Mais il dit, si j'avais critiqué juste un seul de ces articles, ce serait suffisant pour montrer que ta glorification de cette constitution-là est fausse. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on dise aujourd'hui à propos de ta glorification? Et c'est ça, maintenant, je vais laisser les lecteurs juger de ça, maintenant. Ensuite, il dit, le deuxième point sur lequel il veut le critiquer, c'est « Al-Waqfatu Thaniya Qawluka Haqqul Muraqaba » le droit de surveiller, de surveillance. أقول إن زعمك بأن عضو المجلس النواب يراقب الحاكم فيه مخالفة صريحة للشرع، فإن الحاكم هو الذي يختار له وزراء، يختار له وزراء، ويختار له من يستشيره من أهل الآراء السديدة، وقد كان هناك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجالس شورى، فمن كان يختارهم؟ الناس أم عمر؟ وكذا الحال في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقبلهما النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام تابع وليس بمتبوع، فهو الذي يراقب الرعية، أما الرعية فواجبها النصح والطاعة بغير المعصية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. وقد تقدم معنا كلام الإمام الشوكاني في هذا الأمر، وهذا أولا. أما ثانيا، فإن هذا القول منك فيه إساءة ظن بالحاكم المسلم، وهو دليل على حصول الريب في النفوس وعدم صفائها تجاه السلطان المسلم، وكأن الحاكم مفروض له أن ينحرف عن الإسلام ويظلم الأمة ويبطش بالرعاية ويخون المسلمين ثم مثل هذه المعاملة ابتداء التي تقوم على الظن السيء مدعاة لحصول الفتن وفقدان الاستقرار وخراب البلاد والعباد. الشيخ يجي على السجلة quand tu parles de la surveillance, le droit de la surveillance, il dit qu'est-ce que tu prétends ici là quand tu dis que les membres du parlement c'est eux qui surveillent les dirigeants. Ça c'est déjà en contradiction claire avec la charia, parce que le dirigeant dans l'islam c'est lui qui choisit ses ministres et c'est lui qui choisit ceux qui vont être ses conseillers et qui vont lui donner des conseils, des bons conseils, des bonnes opinions. Comme à l'époque de Omar ibn al-Khattab, dans le conseil des gens qui donnaient la consultation, c'est qui est-ce qui les conseillait, les gens qui allaient donner le conseil à Omar? Est-ce que c'est Omar ou bien c'est les gens qui les choisissaient? Et la même chose pour l'époque de Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, et avant ces deux-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui est-ce qui choisissait ses conseillers? Est-ce que c'est les gens qui choisissaient ses conseillers ou bien c'était eux-mêmes qui les choisissaient? Hein? Donc il dit, donc l'imam, il est celui qui fait suivre et non pas celui qui suit les autres. Hein? Donc il dit ici, فَهُوَ الَّذِي يُرَاقِبُ الرَّعِيَّةِ. C'est lui qui va surveiller ses fidèles. Hein? Mais les fidèles, eux, ou bien plutôt le peuple, c'est lui qui surveille le peuple, et c'est pas le peuple qui doit le surveiller. Il dit que le peuple, ils ont l'obligation de lui donner le bon conseil et d'obéir dans tout sauf le péché. Hein, d'obéir dans tout sauf le péché. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous êtes tous des bergers et vous êtes tous responsables de votre troupeau. Donc l'imam, il est responsable. Et il sera questionné au jugement dernier pour son troupeau. Hein? Et le cheikh, il dit, on a déjà parlé de ça quand on a parlé des paroles de l'imam al-Shawkani. À la page 205, on a parlé de ça déjà. Donc il dit, deuxièmement, on peut dire aussi que cette parole, dans cette façon de parler, de dire que tu veux surveiller le dirigeant, ça montre que tu penses, t'as une mauvaise pensée du dirigeant musulman. Et ça c'est la preuve que يعني هو دليل على حصول الريب. Ça ça prouve que en vous-même il y a des doutes, hein, vous avez des doutes et votre intérieur n'est pas propre par rapport aux dirigeants musulmans. C'est comme si vous avez l'impression que le dirigeant musulman c'est obligatoire qu'il s'égare et qu'il soit injuste envers la nation. Et qu'il frappe, hein, son peuple, et qu'il trahisse les musulmans. Et cette manière d'agir envers les dirigeants, d'avoir cette mauvaise pensée-là depuis le départ, eh bien, c'est quelque chose qui incite, hein, à toutes sortes de tribulations, puis toutes sortes de fitnas, de désordres et d'épreuves, des choses mauvaises, et qui vont faire perdre la stabilité. Hein, qui vont détruire le pays et détruire les hommes également. Ensuite, le cheikh il dit, وفي الحديث الذي أخرجه أبي عاصم من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. الشيخ المنسن حديث في عبقبة ابن أبي عاصم dans son livre As-Sunnah et qui est déclaré Hassan dans les paroles de Cheikh Al-Bani et dans ses Silat al-Hadith al-Sahiha. Donc il dit ce hadith-là qui est rapporté selon Abu Bakr qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le sultan, le dirigeant est l'ombre d'Allah sur la terre et celui qui l'honore, Allah va l'honorer et celui qui l'humilie, Allah va l'humilier. Ensuite, le cheikh dit, « وَسُلْطَانُ اللَّهُ وَخَلِفَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُهُمْ الَّذِي بِهِ تُقَامُ الْحُدُودُ وَتُنَفَّذُ الْأَحْكَامُ وَيُصَانُ الدِّينُ وَتُحْمَى الثُّغُورُ وَتُرْسَلُ الْبُعُوثُ لِلْجِهَادِ فَتَبَيَّنَ مِنْ ذَلِكَ بُطْلَانَ قَوْلِكَ السَّابِقُ. Le cheikh dit, « Et le dirigeant d'Allah, le sultan d'Allah, c'est qui? C'est le dirigeant, c'est le khalifa des musulmans et leur dirigeant. c'est celui qui applique, qui, c'est celui par lequel on peut appliquer les punitions et les peines, et qu'on peut appliquer les règles de l'islam, et qu'on protège la religion, et qu'on protège les frontières des musulmans, et qu'on envoie également les troupes pour le djihad. Et donc, on comprend dans cette parole-là la fausseté de ce que tu as dit précédemment. Par rapport au fait que tu dois surveiller le dirigeant, ainsi de suite. Après, il dit « Al-Waqfa tu thalitha »« Qawluka haqqu al-tahakumi ila shar'illah »« Qultu, kayfa nuwaffiq bayna ma zakartahu anid-dustur min annahu yadmanu lana haqq al-tahakumi ila shar'illah »« Wa bayna nas al-madda 71, 71 wal-madda 56 wa 100 » المتقدمتين اللتين تبينا أن العبرة إنما هي الأخذ برأي الأغلبية وأن الشريعة مفروضة على ذلك معروضة على ذلك معروضة على ذلك فإن وافقت ذلك قبلت وإن خالفتها ردت ولا حول ولا قوة إلا بالله إن كلامك هذا لا يخرجك عن أحد رجلين إما أنك غير مطلع حقيقة ما تضمنه الدستور من المواد السابقة فيكون مدحك له عن جهل وإما أنك ملبس تريد أن تلبس على الشعب وتحرك عواطفه الدينية حتى يتم تحقيق ما تهتفون إليه ولقد أحسن القائل إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. Le chef, il dit, comment on peut essayer de réconcilier ces deux choses que tu mentionnes, du fait que la Constitution nous donne nous garantit le droit de juger selon la charia, et l'article 71 et 156, dans la Constitution yéménite qu'on a mentionné tout à l'heure, et on a vu que c'est basé sur le jugement de la majorité, et que la charia est soumise à ça. Donc, yani, soit que, il dit, فَإِنْ قَدْ وَافَقْتَ عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ. Donc, si la majorité accepte ça, elle est acceptée. Si la majorité la rejette, elle est rejetée. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Donc, cette parole, donc, que tu dis, que ça nous donne le droit de juger selon la loi d'Allah, soit que tu connais pas la réalité de la Constitution et des articles de la Constitution qu'on a mentionné tout à l'heure, donc tu la glorifies, mais tu l'ignores, tu la glorifies par ignorance, ou bien tu connais la réalité de la Constitution qui est contraire à l'islam, mais tu veux juste utiliser pour manipuler les sentiments religieux de la population pour arriver à réaliser ton objectif et ton but, et donc tu veux tromper les gens. Et il y a un poème qui dit, ou il y a un vers dans un poème qui dit, si tu savais pas, ça c'est un malheur, mais si tu savais, le malheur est plus grand encore. Hein? Et le chef il mentionne ensuite le dernier point, al-waqfatu rabi'a, qawluka haqqul uzla, hadha al-azl huwa من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قلت ما أشبه كلامك هذا باعتقاد المعتزلة الذين يجعلون من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قتال الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم وتجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة التوحيد الذي هو صلب الصفات والعدل الذي هو التكذيب بالقدر والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قتال الأئمة الشاهد من قوله هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قتال الأئمة فإن وافقت فإنه يوافق تماما ما قلته وهذا العزل هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc, le chef, il dit comme point numéro 4, lorsque tu dis, Abdelmajid Az-Zindani, lorsqu'il dit le droit de destituer le dirigeant, il dit cette destitution, en réalité, ça fait partie de l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Le chef, il commence ce point-là. Il dit, ta parole, elle ressemble vraiment à la Aqidah des Mu'tazila, qui considère parmi leurs principes fondamentaux que dans l'ordonnance du bien et du mal, il faut combattre les imams et les dirigeants des musulmans. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit à ce sujet-là, dans Majmu' al-Fatawa, le volume 28, à la page 127 jusqu'à 129, non, 128-129, il dit, et c'est pour ça que parmi les fondements de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, il faut rester avec le groupe, ne pas se diviser. Il faut cesser, il faut abandonner le combat contre les dirigeants. Il faut abandonner le combat lorsqu'il y a des tribulations et des problèmes dans la société, des fitnas. Lors des fitnas, on ne doit pas combattre. Mais pour les gens de la passion et des bid'ah, comme les Mu'tazila par exemple, eux, ils considèrent que de combattre les dirigeants et les imams, ça fait partie de leur fondement dans la religion. Et ils ont 5 fondements, les Mu'tazila, qu'ils suivent. Le premier fondement, c'est qu'est-ce qu'ils appellent le tawhid. Et ça consiste à nier tous les attributs d'Allah. Le deuxième, c'est la justice. Et en réalité, ça, c'est pour nier la prédestination. Ils appellent ça la justice. Le troisième, c'est le degré entre les deux. C'est-à-dire, il croit que la personne qui fait des grands péchés, il est entre la foi et la mécréance, ni un ni l'autre. Et que dans l'au-delà, il va aller dans l'enfer pour l'éternité. Et une phase de wa'id, c'est-à-dire qu'il croit qu'une fois que quelqu'un rentre en enfer, il pourra jamais sortir. Il met uniquement la concentration sur la menace. Et al-amr bil-ma'ruf wa nahy 'anil-munkar, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ça c'est de combattre les dirigeants. C'est-à-dire quand les dirigeants font de l'injustice ou ils font des péchés, ils croient qu'il faut les combattre. Et ça, c'est parmi les fondements des gens de bid'ah. Ensuite, le chef il dit, qu'est-ce qu'on voulait mentionner dans ça, c'est le dernier point quand il mentionne l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, en disant que c'est de combattre les dirigeants, c'est en accord totalement avec qu'est-ce que Zindani est en train de dire. C'est-à-dire qu'il considère que de destituer le dirigeant, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc, il est en accord à 100% avec le manhaj des Mu'tazila et des Khawarij. Et on va terminer le cours d'aujourd'hui avec al-mulahaza al-ashira, la dixième remarque. Okay, c'est un petit point qui n'est pas trop long. Le cheikh il dit, « Wa qala cheikhuna Muhammad Aman al-Jami, tasmiyatu l'intikhabat al-jariya » en fait, c'est « Antariq al-intikhabat wa nazahataha wa hurriyataha ». Il dit « Qala shaykhuna Muhammad Aman al-Jami, tasmiyatu l'intikhabat al-jariya fil waqt al-hadir fil buldan al-lati tafda'u lil-nizam al-demokrati annaha hurra, wasfun fihi tasamuhun kathir, wa fi waqi' al-amr, qalla an yujad intikhabatun hurrun wa nazih. وكل من له اتصال بالعالم الديمقراطي يدرك كيفية إجراء تلك الانتخابات وقد يقع أثناء الانتخابات من فتن تفسد القلوب وتثير الأحقاد وقد تكون فتنة دامية وما يحصل من شراء الأصوات ويعلم يقينا أن وصف الانتخابات بأنه حر وأنه نزيه وصف مضلل بل سخرية سافرة والمعروف أن الذي ينتخب ويرشح لأي منصب في البرلمان أو سمه مجلس الشعب إما رجل ثري يختار لثراه أو ذو جاه ومنصب وشعبية واسعة يختار لهذه الأسباب. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il dit le chef ici? Il dit, il dit, il parle d'un point que Abdul Majid Al-Zindani a mentionné dans sa cassette. Il dit, il décrit la manière de, il décrit les élections en disant qu'elles sont libres et qu'elles sont qu'elles sont propres et qu'elles sont libres. Donc, le cheikh, il mentionne les paroles du cheikh Mohamed Aman à ce sujet-là. Il dit d'appeler les élections qui se produisent à l'époque actuelle dans les pays qui sont sous le système démocratique, de dire qu'elles sont libres, c'est une description qui est vraiment, disons, comment on pourrait dire l'expression, c'est quoi? Il y a beaucoup de tolérance dans cette, dans cette description-là. Pourquoi? Parce que la réalité, hein, la réalité qu'on remarque dans les pays où il y a des élections, hein, c'est très rare qu'il y a des élections qui sont libres et propres. Toute personne qui a, qui a un lien avec qu'est-ce qui se passe dans les pays démocratiques et, comment, et qui est au courant de comment se passent les élections dans ces pays-là, il est au courant de ce qui se passe dans les élections de toutes sortes de tribulations puis de fitna et des choses qui corrompent le cœur et qui ramènent la haine entre les gens et qui amènent même des fitna qui font couler le sang des gens et parfois même il y a des achats de voix on achète des votes et parfois donc tout ça est dit, c'est des choses qui nous donnent la certitude qu'on ne peut pas décrire les élections comme étant des élections libres et que c'est quelque chose de propre. Et de le décrire de cette façon-là, c'est une description qui égare les gens. Et c'est une moquerie, en fait, qui est dévoilée. Hein, parce que on sait très bien que les gens qui sont élus pour, et qui se présentent aux élections dans les systèmes et démocratiques pour être dans le Parlement ou bien pour être dans la Chambre des députés, eh ben c'est soit des hommes qui sont riches, on les choisit parce qu'ils sont riches, ou bien parce qu'ils ont un statut important et qu'ils ont de la popularité. Hein. C'est pour ça qu'ils sont choisis. Donc, ça prouve que c'est pas libre comme ils prétendent. Hein. Donc, nous on a fini aujourd'hui avec ça. On va s'arrêter ici, Inch'Allah, et puis on continuera la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est le cours 34, Inch'Allah, ce sera le dernier cours bi'iznillah. On aura complété le livre au complet. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك